Un jour. Un jour, on aura une maison au bord de la mer où il y aura beaucoup de soleil, des merveilleux rochers, des palmiers. Un jour, une fois, dans la ville de Foix, il était une fois un bonhomme de Foix qui mangeait de la soupe. Un jour, j'ai tout misé sur quelque chose, comme tous les autres jours. Et puis j'ai pris l'avion et je me suis écrasée, comme toutes les autres fois. Et depuis, je tourne en rond. Un jour, j'irai sur la Lune. Mais d'abord, j'irai à New York. Un jour, il va arrêter de pleuvoir. C'était un jour où les heures ont passé vraiment sans que je m'en rende compte. Un jour à l'autre, je me déciderai. De quoi faire, je sais pas quel jour non plus. Un jour, j'aurai ma bibliothèque dans ma chambre. Un jour, c'est quoi? Ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas? Un nombre d'heures, un nombre de minutes? En résumé, un jour, ça m'inspire pas. Un jour, il n'y avait plus d'électricité. Un jour... Un jour. Un jour ou l'autre, nous vous donnerons tort. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est d'accord, un jour c'est non, pas question. Un jour, j'ai tombé et je me suis cassée. Alors, je décida de devenir un autre jour. Un jour, je dirais oui. Une nuit de poésie fait suite à un jour d'ennui. Un jour, j'ai voulu aller en Afrique. Comme j'arrivais d'Amérique, c'était pas la porte à côté. Je suis arrivée en Europe, on dirait que je me suis perdue. 8 ans plus tard, je suis toujours en Europe, je suis jamais allée en Afrique. Là, je retourne en Amérique. Un jour, peut-être, nous nous retrouverons. Je sais pas. Je tourne en rond. Thank you.